On the Rocks, c'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992, www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un d'être tout à fond, que je vous fais chier à laisser vos merdes. Qu'est-ce que tu crois que ça va être? Tout à fond, le rock c'est tout à fond. Rock and roll. I'm bringing on, I think it's on. Wow! On the rocks. Wow! Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est Manu dans The Rocks, comme tous les lundis soirs, ou presque de 19h à 20h30. Une émission ce soir qui, j'espère, va vous envoûter, comme elle m'a envoûté à la préparer, à l'écoute de ces morceaux fantastiques. Il y aura un gros coup de rétroviseur sur le festival Hop Hop Hop. Il y aura également un coup de rétroviseur encore plus lointain sur les 30 ans d'On The Rocks. Vous savez qu'on se plonge un peu dans mes souvenirs et dans mes petites archives de 30 ans d'émission. Et puis surtout, une grande partie de l'émission sera consacrée à une découverte que j'ai découvert lors de ce festival Hop Hop Hop qui a eu lieu il y a 10 jours à Orléans. C'est Jawar, avec vraiment des albums magnifiques, un concert envoûtant et atmosphérique et une interview passionnante. Mais on va d'abord commencer avec justement une artiste que là aussi, alors je l'ai pas découverte là, mais en tout cas, elle s'est révélée dans toute sa splendeur lors du festival Hop Hop Hop, c'est Emily Zoé. Il y aura une émission spéciale pour cette musicienne suissesse la semaine prochaine dans The Rocks, avec également une interview, vraiment ne loupez pas ça, vraiment une artiste comme on en fait peu. Eh bien, Boulimique, elle a sorti un album en 2022 qui s'appelle Hello Future Me, on en reparlera beaucoup la semaine prochaine. Et puis depuis, elle a sorti, je crois, 3 ou 4 singles, dont un qui est sorti il y a 3 jours, je crois, 4 jours. Il s'appelle Dinosaurs. On va reparler beaucoup d'Emily Zoé la semaine prochaine. Alors juste, voilà, je vous laisse avec cette voix. C'est le coup de cœur ce soir dans The Rocks pour débuter. Avec cette voix, avec cette ambiance. Et pour moi, c'est une des artistes majeures actuelles, comme tout comme les Jawar d'ailleurs, qui nous parlera et dont on écoutera la musique en long, en large et en travers dans l'émission qui vient. Bonsoir, c'est On The Rocks, c'est en direct sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel à Orléans, sur le site ontherocks.net et en rediffusion sur ZEF à Blois. Voici le coup de cœur, Emily Zoé, Dinosaurs. Vous êtes bien installés, j'espère que vous êtes confortables, l'émission va l'être. Eh ben salut, c'est Emily Zoé dans l'émission On The Rocks. Don't go out, does it freak you out? Do they look out the window? We took the path leading out of town, running fast. We thought all this one. Even at the scale. We are Fifth Loom, and you're listening to On the Rocks. Absolue, rencontrer, écouter, interviewer et bientôt en émission spéciale dans On The Rocks. D'abord, vous avez eu Emily Zoé avec son dernier morceau qui s'appelle Dinosaurs, qui n'est pas sur l'album, qui vient juste de sortir. Et puis, à l'instant, c'était les Amsterdamiens de Pip Blom avec Holiday. Voilà, interview très fraîche et très sympathique de Pip Blom. Il y aura une émission spéciale où je diffuserai cette interview le 17 octobre prochain, lundi 17 octobre. Et puis, pour Emily Zoé, bah, c'est la semaine prochaine, le 3 octobre. Dans On The Rocks, il y aura cette spéciale Emily Zoé, très bavarde et absolument passionnante. Voilà, on en reparlera la semaine prochaine. Là, c'était un petit coup de rétroviseur d'il y a 10 jours dans le festival Hop Hop Hop. Mais maintenant, dans The Rocks, on va donner un coup de rétroviseur un peu plus lointain, puisque nous allons, dans le cadre de la 30e année et la 30e saison dans The Rocks cette année, replonger dans des souvenirs bien, bien, bien plus brumeux. J'ai eu 30 ans. Happy birthday to you, on the rocks. Radio show depuis 1992. Je vais être le chien de On The Rocks. C'est pour les chiens, pour les animaux, pour les enfants, pour les vieux rockers, pour les jeunes rockers, pour les... C'est une émission vraiment pour le peuple. Rock on, motherfuckers, On The Rocks. Allez, je vous emmène dans les souvenirs d'On The Rocks et dans mes souvenirs un peu brumeux, quoique encore assez présents, avec une interview que j'ai réalisée d'un artiste que je trouvais absolument fantastique et que je trouve toujours fantastique, même s'il n'a pas eu la renommée et le succès qu'il aurait mérité. Il s'appelle Jude Cristodal pour être plus complet. Et l'interview qui a eu lieu a été réalisée en 2005, donc ça fait déjà pas mal de temps. Et pourtant, déjà à cette époque, Jude commençait une lente dégringolade au niveau succès qui n'allait malheureusement jamais s'arrêter à ce jour. Jude avait livré un album qui est pour moi un des chefs-d'œuvre des années 90 qui s'appelait No One Is Really Beautiful, qui était vraiment magnifique, voilà. Et ensuite, il a été un peu repéré, évidemment, mangé par une grosse maison de disques qui a voulu lui imposer ses vues. Et il s'est un peu débattu, et puis il s'est un peu grillé auprès de cette grande maison de disques. Et depuis, Jude ne donne plus beaucoup de nouvelles. Il y a eu quelques albums un tout petit peu moins bons, mais toujours avec cette voix cristalline et cette écriture un peu sarcastique parfois à la Randy Newman. Et puis plus rien. Pendant très longtemps, on l'a vu sur Internet vendre ses partitions, vendre ses carnets de notes, vendre ses guitares. Je pense qu'il y a dû avoir un petit problème financier à un moment avec tout ça. Et puis, de loin en loin, Jude livre un morceau. Alors on y croit à nouveau. Toujours cette voix et toujours cette sensibilité. Eh bien, il y a quelques semaines est sorti un nouveau morceau, pas un album, mais un nouveau morceau de Jude qu'on peut écouter sur toutes les plateformes. Il s'appelle Home Run Hillary et on a l'impression que le temps s'est arrêté à la fin des années 90. On le retrouve tel quel et c'est une véritable joie. On va se passer dans The Rock ce morceau, mais d'abord, un petit coup de rétroviseur. J'avais pu l'attraper lors d'un de ses rares passages en France. Il est passé quelques fois en concert à Paris, mais cette fois, c'était à Tours, au Bateau Ivre. Donc, j'avais roulé avec ma petite voiture très vite pour aller le retrouver, et j'avais trouvé un artiste à la fois souriant, disponible, mais un peu triste, un peu déprimé. Voilà, et ça m'avait fait un petit peu mal au cœur, parce que pour moi, il fait partie des grands, grands, grands de la musique. Donc, on va se passer cette petit bout d'interview de Jude, où il nous parle de nous, les Français, et puis de la France, et puis ensuite, on se passera son dernier morceau qui vient de sortir, en espérant qu'un jour, son étoile brille à nouveau, là où elle n'aurait jamais dû cesser de briller. Voici un petit souvenir, donc, dans le rétroviseur des 30 ans. C'était Jude, c'était en 2005, et c'était à mes micros, à Tours. Pour un Américain comme toi, qu'est-ce qui est vraiment étrange en France? Wine with lunch. It's strange. Le vin à table. Le midi, ça c'est bizarre. What else is strange? A country, as a country, comme pays, avoir une seule ville géante et les autres étant vraiment loin, loin derrière, ça c'est vraiment très différent des USA. La façon dont les villes sont en relation avec Paris est intéressant, un peu étrange. Mais bon, je pense que c'est dans le cas dans la plupart des pays. The way cities relate to Paris is interesting to me and kind of strange because there's no Je ne veux pas commencer à parler de politique, non, vaut mieux pas. Le voltage qui bousille mes ordinateurs. The voltage which constantly fries all my computers and things like this. La qualité de la nourriture au restaurant, c'est déjà bien en Italie, mais alors là c'est encore mieux. Quality of the food at the rest areas, which I thought was great until I went to Italy, and this is even better. This is Jude. You're listening to On The Rocks. Your picture was in the news, a piece of paper my friends have burned, but it refused. And though you wore a smile, the muscles that you flexed too much look tired after a while. And you always forced your style. I wrote you love notes. I pulled you from fights. I even dug moats so I could swim at night to my home run, Hillary. I had my time to brew, never had the courage. car. I fell from love with you and knew I'd leave you where you are, where you'll always be a star. With a black eye and a white hat, you're such a good guy. With a baseball bat, it's my home run. Only just begun to live again and be my own best friend, and now you come. A vampire must be fed, but oh, oh, I'm unwilling to be bled. Took a fast pitch on the inside, and like a white witch on a mercy ride, it's mine. C'est Amino sur On The Rocks. Way it would break look away. Let me know for once what's on your mind. Leave some truth behind if we go our separate ways. Before I step into darker days. Voilà quelqu'un qui ne s'est pas loupé sur son deuxième album, on l'attendait au tournant. Eh bien, il a pris un bien joli tournant. C'était Tamino, à l'instant, avec My Dearest Friend and Enemy, tiré de son dernier album. Et puis, juste avant, encore une voix qui, elle aussi, peut aller du plus grave au plus aigu et nous faire monter sur un tapis volant, et pas un tapis roulant. C'était Jude avec Home Run Hillary. Tamino, lui aussi, avait joué à Hop Hop Hop. Lui aussi avait joué au même endroit. C'était dans la salle de l'Institut. Alors, j'avais été un peu déçu par ce concert par rapport à l'album. Je l'avais trouvé froid, à vrai dire. Je l'avais trouvé une mise à distance avec ce concert. Je m'attendais à quelque chose de capiteux, d'envoûtant, avec c'est une espèce d'enveloppe musicale qui nous transporterait, qui nous élèverait. Eh bien, le concert de Tamino ce jour-là avait été un peu décevant à mon goût. Tout l'inverse de celui, dans le même endroit, qu'a livré il y a quelques jours Jawar. Bonjour, c'est Jawar et on est sur On The Rocks. L'AM qui ferait Wahroubi tutoual N'chariou men bia Wendouk bin l'ashaar شريك جلود وجروحي بالادوار نستنس بالجود ونسقي بالشمال ما لقيت وين نستنى ملقيت وين نستار الروح في البلاد de la langue dans laquelle elle est chantée, en l'occurrence le tunisien. On a l'impression que ça nous parle directement, que ça passe pas par le cerveau, que ça passe directement par le système nerveux central et par l'émotion. Eh bien, c'est ce qui m'a procuré l'écoute des albums de Jawar et de son concert, également dans la salle de du Conservatoire d'Orléans, lors du festival Hop Hop Hop. Merci beaucoup au festival et à Mathieu Dufaux d'avoir programmé cet artiste que j'ai découvert à cette occasion et qui m'enchante véritablement. Alors, voilà, à l'écoute de ces albums, j'ai sauté sur l'occasion de réaliser une interview de Jawar. C'est ce que j'ai fait et c'est ce que je vais vous proposer ce soir. Musicien qui est né en Tunisie, qui a grandi en Tunisie et qui est venu en France dans ses jeunes années pour étudier et qui s'est dirigé un beau jour vers la comédie, vers le théâtre et également vers la musique. Bien lui en a pris. Il y a eu une poignée d'albums qui sont sortis, qui mélangeaient donc cette musicalité des mots de la langue tunisienne, de cette belle Tunisie, et puis une musique qui, elle, lorgnait du côté de la folk. Ça a été assez vrai sur les premiers albums, et c'est particulièrement vrai sur le dernier, qui pour moi est un petit chef-d'œuvre. On vient de se passer un extrait de cet album. On s'est déjà diffusé des morceaux. C'est le morceau qui ouvre l'album, le dernier album de Jawar. Alors, je vais forcément très très mal prononcer le nom de l'album. Tachouira, je pense que ça se prononce comme ça. Tous les titres sont en tunisien, donc je vais me planter à chaque fois. Mais en tout cas, voilà. Le seul regret que j'ai sur cette interview que je vais vous proposer maintenant, c'est qu'il a été trop court. Voilà, j'avais un quart d'heure et Jawar est passionnant à écouter. J'avais encore plein de questions à lui poser. Et c'est le jeu, hein, des gros festivals comme ça. On est venu me faire signe en disant c'est terminé. Donc j'avais plus qu'une question à poser alors que j'en avais encore 3 ou 4 sur le coude et je crois que lui avait encore pas mal de choses à vous raconter. En tout cas, vous allez, j'espère, savourer cette interview de ce grand artiste qui s'appelle Jawar. Je vous conseille de le suivre en concert, d'écouter les albums. C'est vraiment de l'onguent sur nos âmes en ce moment. On en a bien besoin. Voici la première partie de l'interview de Jawar pour On The Rocks. C'était enregistré lors du festival Hop Hop Hop il y a 10 jours. Donc j'ai le vrai plaisir d'être avec Jawar juste avant son concert. C'est tout à l'heure à 20h et là il est 18h15. Bonjour. Bonjour. Merci pour cet album qui est magnifique. On va en écouter les larges extraits dans l'émission. Tu vas jouer ce soir dans une salle de l'Institut. Je ne sais pas si tu vas aller voir, je pense que oui. Conservatoire, sous les dorures, les lustres. Et pour moi, c'est l'écran idéal pour écouter ta musique. Mais toi, est-ce que, selon l'endroit où tu joues, est-ce que ça influence ta façon d'interpréter les morceaux ? Tout influence, hein, en fait. Même la présence des gens, le corps des gens, le regard des gens, le lieu, évidemment. Bon, bêtement, l'acoustique qui change à chaque fois, mais l'ambiance, le cadre, la décoration, tout est important, oui. Oui, absolument. Mais après, l'idée, c'est que c'est d'amener cet univers à chaque fois et le laisser se confronter à l'endroit et aux circonstances du moment, quoi. Oui. J'ai cru comprendre que la littérature et la poésie étaient très présentes dans ta maison lorsque tu étais enfant en Tunisie, par tes parents. Mais quel est ton premier souvenir de choc musical, le plus lointain ? Souvenir, il y en a eu beaucoup des chocs musicaux. Même, je dirais, moi, Oum Kalsoum, c'était quand même un truc qui me mettait en transe en enfant. Oui, c'est quelque chose vraiment qui tournait en boucle dans ma tête et que je chantais un peu en m'endormant très très mal. Parce que ma sœur, elle dormait à côté, elle m'envoyait des oreillers. Elle... ensuite, voilà, il y a eu beaucoup. Vous savez, la musique, elle est partout. Quand moi j'ai commencé à sortir, à aller à l'école à pied à Rhades, qui est une banlieue de Tunis, assez populaire. J'entendais la musique chez des gens qui faisaient pas de la musique officiellement, qui chantaient des chansons en paillardes, qui chantaient pour draguer les filles, qui chantaient la liberté, le fait de pas être à l'école, le fait de pouvoir se barrer quand on pouvait. Et je trouvais là-dedans déjà, il y avait dans cette musique complètement sauvage, il y avait quelque chose qui m'attirait énormément et que j'ai retrouvé un petit peu dans les premiers rails après de la musique algérienne. Et je trouvais qu'il y avait là, il y avait quelque chose, on retrouvait quelque chose de qui était entre l'enfance et espèce d'innocence, de simplicité des choses et en même temps cette cette blessure quelque part chez des enfants qui sont devenus des adultes et qui se droguent un peu, qui boivent un peu et qui racontent leur incapacité à trouver leur place dans la société et tout ça, ou l'incapacité de la société à leur donner une place, parce que eux, quelque part, ils savaient ce qu'ils voulaient et ils savaient ce qu'ils valaient, mais la société ne voulait pas d'eux. Et ça, c'est des trucs qui m'ont bien fait. Je me rappelle des premières soirées comme ça où j'écoutais ça, où je me disais ouais, il y a un truc vivant, quoi. C'est comme j'avais l'impression qu'on était dans de la chaux vive, quoi. Ouais. C'était à l'instant Jawar, tiré d'un de ses somptueux albums. Il n'y a pas grand-chose à acheter, franchement, dans la discographie de Jawar. Et vous avez compris, de la douceur, de la poésie. Voilà, une sorte de shahabi comme ça qui s'offre à nous. Et dans des écrins de musique et d'arpèges assez somptueux, eh bien, on retrouve Jawar en interview, qui nous parlait juste avant des musiques de Oum Kalsoum et de tout ce qu'il écoutait lorsqu'il était enfant. Eh bien, forcément, ça a dû laisser des traces. Alors, ça a laissé des traces, probablement. La singularité de ton art, c'est de mélanger, en particulier sur le dernier album, de mélanger des sonorités et des mélodies qui sont anglo-saxonnes, à la langue tunisienne. Et l'harmonie qui en résulte, c'est à la fois merveilleux et inattendu pour ma part. Est-ce que toi, tu t'attendais à une telle évidence de ce mélange? Est-ce que tu étais sûr de toi dès le départ? En fait, j'étais, il y avait quelque chose d'évident pour moi, dans le sens où, pour moi, ce n'était pas un mélange de... C'était secondaire, en fait, le fait que ce soit un mélange de cultures musicales différentes. C'était moi, d'abord. J'avais quelque chose à dire, quelque chose à sortir, surtout, en fait. Je suis arrivé tard à la musique... Mais j'avais une certitude comme ça que j'allais commencer un instrument et puis j'écrivais un peu avant et que j'allais exprimer quelque chose qui allait être singulier et voilà, et c'est un peu arrivé. Je pense qu'en effet voilà, il y a les influences des deux cultures différentes, mais aussi une envie d'abord avant tout de faire de singulier. Voilà, je n'étais pas sur un courant musical plus qu'un autre ou quoi que ce soit. C'était vraiment prendre un instrument et exprimer quelque chose. Et j'ai toujours été en fait attiré par cette forme très très basique, celle d'un gars avec ou une nana avec un instrument et qui exprime quelque chose avec très peu de choses. Oui. Et en fait, aussi en découvrant le rock, le folk et tout ça, entre parenthèses, ça m'a un peu désinhibé, entre guillemets, parce que voilà, j'ai grandi aussi avec ce monstre de la, ce truc un peu un inatteignable, des voix arabes hyper bien formé, bien entraîné, avec et donc je m'empêchais en fait de chanter parce que je n'avais pas cette voix là et puis tout à coup en écoutant soit des griots africains ou un chanteur folk qui chante sur une seule corde, voilà, et je me suis rendu compte que tout était possible en fait, ou même en commençant à chipoter sur mon instrument, on n'est pas obligé d'avoir fait le conservatoire de musique classique arabe pour pouvoir chanter en arabe. Je peux chanter l'arabe à ma manière à moi. Je peux l'emmener à d'autres endroits. Je peux faire, voilà, je peux m'exprimer. Et voilà, je pense que c'est plus ça le déclic. C'est la rencontre avec la musique occidentale m'a fait réaliser que tout était possible en fait. Ouais. في صدام C'était encore évidemment Jawar dans The Rocks avec le morceau Sgarge. Alors voilà, encore une fois très mal prononcé, je suppose. En tout cas, lui prononce très bien ses mots lorsqu'il les chante et lorsqu'il parle également. Interview un peu courte, mais interview passionnante quand même. On le retrouve dans les loges. Alors c'était dans les loges du festival Au Pop-Up juste avant quelques heures, quoi. Une heure et 45 avant sa prestation lors du festival sur la scène du conservatoire de la bonne ville d'Orléans. On le retrouve en interview dans cette émission spéciale. Et comme tu le dis, tu es arrivé assez tard. Enfin, t'as pas 85 ans non plus, mais t'es arrivé assez tard à la musique. T'étais comédien, je crois, avant, acteur. Tu as fait acteur. Comment cette activité de la scène a nourri ta musique ? Ça s'est fait un petit peu en parallèle parce que aussi le théâtre, j'ai commencé aussi tard. Hein. J'ai pas commencé à 10 ans le théâtre. Un peu en partant aussi, en commençant mes études supérieures, j'ai commencé à faire du théâtre et j'ai acheté un instrument en même temps. Et il se trouve que j'ai été plus vite comédien parce que j'ai eu une petite formation de comédien. J'ai été pris au conservatoire, j'ai été un peu formé pour ça et j'ai rencontré des gens, donc j'ai commencé à jouer assez rapidement. Mais en effet, ça m'a beaucoup permis. Faciliter la scène entre guillemets parce que j'étais un gros timide, c'était maladif, c'était l'enfer. La première fois que je suis monté jouer un rôle au théâtre, j'avais envie de disparaître, je tremblais de partout. Heureusement le personnage c'était un personnage qui s'énervait et qui criait sur tout le monde, donc je me suis défoulé sur tout le monde mais c'était une manière de complètement cacher ma peur, quoi, qui était énorme. Et voilà, après j'ai fini par faire mon chemin là-dedans pour sur scène, et ça m'a permis à calmer mes angoisses quand je montais aussi chanter, mais les premières fois aussi c'était dur. Et puis moi je dirais que surtout je pense, parce que j'ai un petit peu écrit pour le théâtre, ça m'a aidé beaucoup pour l'écriture, et ça m'a donné une direction aussi, le théâtre, je veux dire, dans l'écriture de chansons, ça m'a beaucoup influencé. J'ai pas mal développé l'idée d'écrire pour des personnages, par exemple sur une Ramara, l'avant-dernier album, qui est le contraire d'un portrait, parce que le dernier est un portrait, Taswira. C'était le contraire d'un portrait, dans le sens où c'était le portrait de plusieurs personnages qui n'étaient absolument pas moi. Et j'avais bien l'idée d'écrire pour des personnages autres. عديت اشتاك وربيع انساك تبعت الروح Peut-être le morceau le plus saillant et celui qui m'a scotché à la première écoute du dernier album de Jawar, mais tout l'album est vraiment très beau. On va s'en donner la preuve dans quelques instants, juste après que Jawar nous ait encore parlé au micro. C'est maintenant et c'était il y a 10 jours. Tion, est-ce que tu fais de la musique pour te dévoiler ou est-ce que tu l'as fait pour dessiner d'autres vies que la tienne? En fait, les deux, hein. Parce que même quand on dessine d'autres vies que les nôtres, ben, c'est, enfin, en fait, on se révèle aussi. On... Comment? Madame Bovary, c'est moi. Oui. Flaubert. Oui. Il a raison. Enfin, voilà. On met beaucoup de nous-mêmes, même dans des personnages. Après, sur le dernier album, je me mets beaucoup plus à nu parce que là, je c'est pas des personnages, des chansons, enfin c'est pas des portraits à 100% personnels dans le sens où j'ai essayé de faire des portraits qui soient des portraits d'artistes dans un sens plus universel, mais je suis parti de mon expérience clairement pour le faire. Oui. وفكار وتفيد بيت مريض بيت مريض وشاهد من وستاد الريح بيت جريح الريحة تميل وسفاين بيه تتلافز بيت بعيد بيت بعيد عن الناس وعيد الفلوس وبال وزيد بيت غريب بيت حريقة تنادي فيه وتقول يا سيد الزين قلبك فيه فن بطعمة بعثيك والخوف l'instant, c'était encore Jawar dans On The Rocks avec encore un morceau tiré de son dernier et magnifique album. Je m'y tente. C'était Syed Ezin, tiré de la dernière album de Jawar, qu'on va retrouver une dernière fois en interview dans On The Rocks. Je vous l'avais dit, c'est un peu court, on a envie de l'entendre parler un peu plus longtemps. Peut-être qu'on le reverra, peut-être qu'on le recroisera, peut-être qu'il jouera à nouveau par chez nous, peut-être un peu plus longtemps, puisque là, c'était un concert de 45 minutes, hein, puisque c'était en festival, allez, une heure à tout casser. Mais en tout cas, ça nous a donné envie d'en entendre un peu plus. Voici la dernière partie de l'interview de Jawar. Merci à toute l'équipe de Hop Hop Hop qui ont permis cette interview et cette belle rencontre. Et je vous laisse avec lui pour ses mots et c'est la dernière partie de l'interview. Quelle est pour toi la chanson médecine, celle qui te... une chanson médecine qui te sauve de la mélancolie d'un autre artiste? Alors t'as déjà dit Oum Kalsoum, c'est mort, faut trouver autre chose maintenant. Une chanson qui me sauve de la mélancolie, je crois que quand j'ai envie de me sauver de la mélancolie, je n'écoute pas de musique. Je me laisse tout à fait aller à la mélancolie. Quand j'écoute de la musique, je l'accepte en fait, tout à fait. Et même je dirais je la cultive en moi, parce que c'est voilà, c'est ce spleen que certains morceaux provoquent en nous. Bah c'est vraiment de la nourriture en fait. Quand j'ai envie de me sauver de la mélancolie, je me jette plutôt dans les bras de la nature quoi. Ouais. J'écoute plutôt les oiseaux. Ouais, les oiseaux ça me vraiment, ça m'enlève de la tristesse, quoi. Ouais. Merci beaucoup, bon concert. Et merci pour cet magnifique album. Merci à vous, merci. وشوق احلام وتذبل وتفوت my soul remains to try to try to ride home until you're old soul, there's a rain. Familia Song de Jawar, et à l'instant If I Rise, toujours de Jawar, avec cette petite acquaintance avec Nick Drake. On parle souvent de Nick Drake quand on parle de la musique de Jawar, c'est moins évident sur le dernier album, mais sur ce morceau qui en plus est en anglais, un des rares, If I Rise, eh bien on retrouve effectivement l'influence de Nick Drake, d'où les petits arpèges de Nick Drake que j'ai diffusé durant l'interview. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver cette interview isolée de mes petits commentaires et de mes petites bafouilles sur le site ontherocks.net dans l'émission, l'onglet émission spéciale. Voici encore quelqu'un qui était en concert à Hop Hop Hop il y a 10 jours. Elle s'appelle Nadine Khoury. J'adore son album qui est vraiment magnifique. J'ai été un peu comme à l'instar de Tamino, un peu sur ma faim par rapport au concert qu'elle a livré. Alors il y avait toujours sa voix, toujours ses mélodies assez étincelantes, mais voilà, j'ai trouvé que le concert n'a jamais vraiment décollé. Peut-être la faute à ses deux accompagnateurs. Je suis pas sûr qu'elle ait trouvé exactement la formule qui convient à l'écrin qui convient à ses chansons. Je vous conseille vraiment de vous plonger dans le dernier album en date de Nadine Khoury. Il paraît que le suivant qui arrive est encore sur la même longueur, encore de la même beauté. Eh bien, on va se passer un extrait peut-être du prochain album, puisque c'est un morceau qui vient de sortir. Ça s'appelle Vertigo. Voici une artiste, elle aussi, qu'il faudra suivre de très très près. Une voix magnifique, Nadine Khoury, donc dans The Rocks. Et ça s'appelle donc Vertigo, je l'ai déjà dit. Strike while the iron is hot, pull up the gear, shift and drive. Don't ask me how far we got or what time we'll arrive. The air is bone dust and ash, the earth is fire and maze. Bring your tennis racket, pour some milk on your face. Must have all the cash. It's time to carry the barrel. can't slow down. I'm spinning. Toujours à son meilleur de l'inspiration sur son dernier album, mais il y a comme ça des fulgurances qui nous ramènent en arrière, qui nous ramènent à l'époque où chaque album qui sortait, chaque morceau, chaque note était magnifique. C'était Ben Harper à l'instant, tiré de son dernier album avec le morceau qui clôt cet album, Maybe I Can't. Alors l'album est très honorable, hein, mais il est un peu éparpillé. Il y a des choses un peu plus, voilà, un peu plus dispensables, mais quand il joue dans cette catégorie, ce Maybe I Can't est vraiment magnifique. Et puis juste avant, c'était Nadine Khoury, encore une voix magnifique. Et là, il y a vraiment pas grand-chose à acheter sur son album. Vertigo, c'est le dernier morceau qui ne figure pas sur l'album, peut-être sur le prochain. Tiens, puisqu'on parlait de Revenant avec Jude, voilà quelque chose qui va pouvoir faire peut-être plaisir à Duduche également, je pense. Voilà quelqu'un, on n'avait plus trop de nouvelles non plus. Il revient avec ce single, avec un clip assez thriller dans l'esprit, thriller phosphorescent, un peu étonnant d'ailleurs. Ça commence comme ce qu'il faisait avant, et puis le morceau évolue un petit peu vers des contrées un peu inédites pour lui. Alors peut-être que pour l'émission 30 ans, Peut-être que pour l'émission des 30 ans d'On The Rocks, qui aura lieu au mois de décembre, peut-être qu'il y aura une petite surprise de sa part. Je ne sais pas, je vends peut-être la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais il y a quelques signes encourageants. Voici le dernier morceau en date du grand Tom McRae. Hi, this is Tom McRae, and you're listening to On The Rocks with Manu. On into the dark like we Isidore Duncan. Between the third and the fourth quarter, Passé à Opopop, lui, mais qui était passé sur la scène de l'Astrolabe pour un bien beau concert. C'était An Alien in Minneapolis, tiré de son dernier album. C'est G.S. Ondara. C'est comme ça qu'il s'appelait sur le premier album. Il s'appelle Ondara tout court maintenant. Et puis juste avant, c'était ce bon vieux Tom McRae avec The Beast. Allez, on retourne une dernière fois à Opopop avec le concert qui a ouvert, en tout cas pour moi, le festival. C'était celui de Lass au Campo Santo. Voilà, musique sénégalaise avec une voix imparable. Alors, pour le côté un peu négatif, il y en a pas beaucoup des côtés négatifs. Beaucoup trop de choses sur bande pour moi, à mon avis. Et le côté positif, bah, c'est que les musiciens qui étaient là étaient fameux et belle énergie. Ça nous a donné envie de rentrer de plein pied dans le festival et de s'amuser. Voici un morceau qui est tiré donc de son dernier album avec un petit remix qui, moi, me va bien. Ça s'appelle Yakomome. C'était un grand moment du concert. Lass, vraiment artiste à suivre, voix assez formidable. Ça m'a fait un peu les mêmes émotions que lorsque j'avais découvert Big Bassi à ce même festival au Pop-Up, décidément. Voici voici donc Las. Et puis juste après, il y aura Bomba Estéreo avec un morceau Bomba Estéreo avec un morceau assez sympathique et qui nous fait regretter déjà l'été. Et si je le diffuse dans The Rocks, c'est aussi parce que participe à ce morceau ce bon vieux Manu Chao, et ça fait toujours plaisir avec mes douélés. Allez, je vous dis salut avec ces deux morceaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans The Rocks avec encore une belle émission spéciale. Encore une interview réalisée au Pop-Up, mais cette fois ce sera la grande et formidable Emily Zoé. Voici Las dans The Rocks. À la semaine prochaine. vida que te quiere si me va a dejar. Las palabras son tan fuertes cuando son así. Lo que no quiere oír te da la gracia.